Bonjour à tous, bienvenue pour l'émission de Il y a des choses à dire, une émission consacrée à l'handicap visuel vu autrement, animée par Papy José. Voici l'essentiel sur la place des femmes et les défis des athlètes non-voyants dans le handisport. Alors que Paris 2024 a vraiment mis le parasport en lumière, on va plonger ensemble dans l'envers du décor pour comprendre les obstacles uniques que ces sportifs surmontent tous les jours pour atteindre les sommets. Premièrement, parlons de la complexité technique pure. Les athlètes sont classés de B1, c'est-à-dire la cécité totale, jusqu'à B3. Sur la piste ou en plein marathon, le sportif fait équipe avec un guide valide, et vous savez quoi, son rôle est tellement crucial qu'il est lui aussi médaillé. Imaginez un peu conduire une voiture de course, les yeux fermés en écoutant uniquement la voix de votre copilote. Ça demande une confiance absolue, pas vrai? Deuxièmement, pour les femmes, ce parcours est encore plus rude à cause de ce qu'on appelle la double discrimination. Au-delà de leur handicap, elles se prennent de plein fouet des préjugés tenaces liés à leur genre. Elles doivent souvent financer un équipement super cher tout en cherchant des sponsors qui investissent historiquement beaucoup moins sur elles. On les applaudit tous les 4 ans, d'accord, mais est-ce que cette double peine disparaît vraiment quand les caméras s'éteignent? Troisièmement, comment atteindre une vraie égalité? Même si les fédérations mettent en place du mentorat pour inspirer les jeunes, il y a un chiffre qui fait super mal. L'attention médiatique s'effondre de 75% direct après les Jeux. Le vrai combat, ce n'est donc pas l'événementiel, mais bien la visibilité et la normalisation au quotidien. Le véritable exploit de ces championnes n'est pas seulement de franchir la ligne d'arrivée à l'aveugle, mais de pulvériser, à chaque foulée, les doubles barrières du genre et du handicap. Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission de Il y a des choses à dire. Et c'est la dernière émission de la saison, la 10e. Et j'ai voulu que l'on mette un peu en lumière l'handisport et l'handisport féminin, puisque vous l'avez vu dans le petit clip audio avant. Bah oui, on n'en parle pas, les caméras ne se tournent pas vers eux, etc. Je vais vous présenter une personne atypique, une personne absolument incroyable, Odile Hochard, qui est une personne non-voyante, qui fait de l'handisport et qui est surtout spécialiste en ultra-endurance. Bonjour Odile. Bonjour José. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour cette émission un peu particulière. Là, on va parler de vous, que de vous, c'est dingue ça. Alors, pour entamer, je dirais, cette émission, est-ce que vous pourriez dire quelques mots sur vous, allez, en une minute? Alors, Odile Hochard, je suis thionvilloise, 69 ans. Je suis atteinte d'une rétinite pigmentaire dès la naissance, donc très vite aveugle. Souvent, j'emploie plutôt aveugle que non-voyante. Et ma raison de vivre, souvent, mon équilibre, je vais dire, je le trouve dans le sport. Je fais beaucoup de courses à pied, longtemps, de l'endurance, des marathons, des 100 km, des 24 heures, voilà. Et de longues distances aussi en tandem. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, vous parlez d'aveugle, moi j'aime pas aveugle, hein, personnellement je préfère dire non-voyant, mais bon, ça c'est un problème de vocabulaire. Vous parliez sport, je suis sport, mais c'est pas ce que vous êtes depuis l'origine, en fait vous avez perdu la vue. J'ai perdu la vue, Toute petite. Oui. Toute petite, tout à fait. On va dire déjà en rentrant à l'école, même primaire, c'était très compliqué. Mais j'habitais dans un petit village, donc c'était encore les classes où tout le monde se regroupait. Donc j'ai eu un formidable instituteur qui m'a pris un peu sous son aile et qui m'a beaucoup appris et appris à me débrouiller. Par contre, vos camarades n'étaient pas toujours sympas avec vous? Ah non, mes camarades n'étaient pas sympas, mais je dirais que, par exemple, mon frère, qui était donc un garçon, qui a un an de plus que moi, je crois qu'il a encore plus souffert que moi. Parce que votre frère aussi a la rétine pigmentaire. Exactement. Donc, les copains, ses copines, il n'y avait pas beaucoup d'informations. Heureusement, ça a bien évolué jusque-là, mais encore pas assez de toute façon. Mais ça se moque très facilement, heureusement. Il faut expliquer l'handicap visuel. Ah, pour rappeler ce que la rétine pigmentaire, hein, ce sont toutes les cellules, tous les photorécepteurs qui sont bouffés par la maladie au fur et à mesure, et puis les cellules meurent. Alors il y en a que c'est plus rapide, comme pour vous, hein, Odile, et puis votre frère. Donc, Beaucoup plus lentement. Alors sachant que vous êtes une grande famille, me semble-t-il. On est une grande famille, 13 enfants. 13 enfants et deux qui ont dû cette maladie, puisque c'est une maladie génétique. Absolument, les deux premiers, hein. Ouais. D'accord. C'est ça. Alors, on ne pensait pas du tout sport à ce moment-là, puisque bah, vu un peu le contexte, le fait que tous les camarades sont pas sympas, on se renferme sur soi-même, hein, c'est un peu on, ça. Hein. On reste carrément isolé. On reste carrément isolé, oui. Oui. Alors il y a une personne dans votre vie qui est particulièrement, enfin qui vous a touché, qui vous a vraiment marqué, c'est votre grand-mère. Ah, ma grand-mère était très proche de moi et souvent de soi. Alors j'ai ce souvenir de la grand-mère qui disait, tu ne vois pas, mais regarde, t'as un bon lit, t'as à manger, donc tu vas te débrouiller, t'arriveras. Voilà, ma grand-mère souvent me disait ça le soir en me bordant dans mon lit. Alors c'est peut-être ça qui vous a effectivement donné la pêche, étant entendu que, bon, vous avez continué les études jusqu'au collège. Hein, jusqu'au collège, jusqu'en troisième. À brevet, et ça c'était, ouais, c'était BEPC. Vraiment une galère. Racontez-nous moi en deux secondes, parce que bon, j'ai pas trop envie de parler du négatif, on va venir un peu tout au positif. Bah, c'était galère parce que qu'il n'y avait pas d'information à l'époque, et donc les professeurs, bah, tu ne vois pas, donc normalement tu dois porter des lunettes, bah non. Ah ouais, tu viens d'une grande famille, bah c'est qu'il n'y a pas d'argent, mais non, il n'y a rien à faire, non, c'était les pas les lunettes admis. Servaient à rien en plus, ils ne comprenaient pas ça. Non, ouais, bah voilà, oui. C'était pas admis. Donc bah, je me suis battue, hein, je me suis battue jusqu'en troisième pour avoir mon brevet de fin d'études. Enfin, mon BEPS, comme on dit. BEPC. Voilà, ouais. BEPC, voilà. Donc, j'ai réussi en me battant, voilà. D'accord. Et puis après, bah, il y a un peu de j'allais dire, de tambour, hein, la vie oui. À la maison. Et puis, un peu l'envie De bouger. Et puis, vous avez connu votre mari. Et puis, voilà, jeune, vers 20 ans, 22 ans, je crois que vous avez votre premier enfant, c'est ça ? 22 ans, mon premier fils, tout oui. À fait. Puis deux ans après, mon deuxième. Bah, ça, c'était compliqué dans le sens que bah, mon mari était très souvent absent en déplacement. Donc, faire les biberons, s'occuper de le bain et tout ça. Après, je pense que c'est l'instinct maternel qui fait que tout s'est bien passé. Vous n'avez pas d'aide ? Pas d'aide, non. Pas d'aide. Donc, seul, arrivé à deux enfants. Tout à fait. Et bah, évidemment, une présence énorme à la maison, beaucoup de travail, beaucoup de stress aussi. De stress. Et puis, à un moment donné, bah, les enfants, ils partent en pension. Je crois. Oui, ben, en fait, déjà, en étant plus jeune, c'est plus facile de mettre des bases, des lois, on va dire, à telle heure tu rentres, tu arrêtes de jouer dehors, à telle heure tu prends ta douche, et on punit, on prive d'une sortie, on prive d'un jeu ou quoi, et ça marche très bien. Et puis après, ben voilà, c'était compliqué de les suivre dans les devoirs et tout ça, donc ils ont été en internat pour la semaine, hein. Et bon, ça s'est bien passé, et voilà, chacun fait sa vie maintenant, mes deux fils ont leur vie. Et... Alors c'est là que tout va commencer pour vous. Alors, rester seul, voilà. Un peu isolé. Alors, on parle dans la doc de comment ça s'appelle, le nid vide, un peu le fait de se retrouver tout seul, le nid vide, bah, y a des problèmes psychologiques qui peuvent se créer. Absolument. Contrairement à ça, pour vous, c'est plutôt le moment où vous êtes devenu un peu, vous êtes extraverti, si je puis dire. Là, j'ai pris de l'autonomie dans le sens que ben, si tu veux sortir, si tu veux vivre, eh ben, il faut y aller avec la canne. Alors déjà, ça, c'est très compliqué. Le regard des autres, hein, on le sent, ce regard. Il n'y a que d'aller poster une lettre, d'aller à la pharmacie. Ben, fallait se débrouiller. Si on est seul, ben, voilà, la canne, ça, c'était déjà un gros, gros problème. Et bah, malheureusement, mon mari a été hospitalisé à un certain moment et longtemps. Donc là, je me suis rendu compte bah, que je savais pas utiliser ma carte bancaire. Je savais même pas le code. J'avais rien. C'est quand même moi qui gérais un petit peu le budget parce que bah, tout était dans ma tête. Et j'ai mois par mois. Forcément, la mémoire joue beaucoup quand on est non-voyant. Tout à fait, la mémoire. Et donc, bah, ça se passait bien. Mais quand il faut après avec le matériel, bah, c'était beaucoup plus compliqué. Donc là, je me suis prise en main. Je me suis prise en main et puis après, bah, vraiment rester seule, bah, j'ai eu la chance aussi qu'il y ait une voisine qui me dise « Vous voulez pas venir avec moi faire un petit peu de gymnastique ?» Gymnastique volontaire dans la main. Ouais, alors justement, c'est voilà. Là, ça je vous interromps parce que sinon après on va partir dans des... Oui, oui, c'est là où, dans votre jeunesse, vous avez connu donc des personnes qui n'étaient pas tellement sympas. Et puis là, au contraire, c'est là où d'autres personnes vous ont ouvert vers l'extérieur. Je crois que votre mari était gendarme et oui. Donc vivait en caserne. Alors là, c'est pas facile du tout, ouais, hein, parce pense, que c'est strict, c'est la gendarmerie mobile, c'est un petit peu... Les femmes qui restent parce que les hommes sont en déplacement, c'est militaire, voilà, hein, tout simplement. Et pourtant, des femmes très sympas, parce que vous m'aviez dit que ils vous ont un peu bougé un peu quand vous perdiez votre linge, et c'est là que vous êtes inscrit à un club de gym. De gym, les femmes étaient sympas, c'est vrai que j'avais une dame qui disait si tu as besoin de couture ou quoi, je suis là pour faire une course qui n'était pas accessible pour moi. C'est vrai que j'avais quand même un petit noyau autour qui m'aidait. Alors c'est à partir de là que le sport va commencer. Oui. C'est à partir de là qu'on va déjà commencer à faire une petite pause, pause musicale, et après on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Alors cette pause, c'est une chanson que j'ai écrite, hein, et en fait, c'est vous qui m'avez inspiré. Et cette chanson s'appelle « Cours encore ». Ah oui. Sans voir à grande foulée cadencée, tu avances. Le bitume défile, ton souffle couvre le silence. Le guide t'accompagne dans ton défi à travers le brouillard. Un souffle partagé pour repousser le noir. Chaque foulée demande une confiance infinie. Pas de faux pas, c'est interdit. Tu ne vois pas le regard qui juge sans savoir. Seul compte pour toi d'arriver au bout, ta vraie victoire. Cours encore, ne baisse jamais les bras. Tu dois affronter des murs dressés sur ta route. Le poids du handicap qui parfois crée le doute. Tu n'intéresses pas ce qui compte. Un jour peut-être on dira plus quelle leçon de courage, on dira juste voilà une grande championne, sans faux hommages, sans étiquette inutile, avec un regard différent, juste une femme qui court sous les applaudissements. Plus loin que leurs préjugés. Cours encore. bien, après cette chanson « Cours encore », eh ben, on va essayer de commencer à savoir pourquoi, Odile, vous avez couru. Donc, vous avez fait de la gymnastique et ensuite, eh bien, vous avez commencé le tandem par une association sur Terreville, non ? Comment vous avez fait le tandem ? Le tandem, c'est vraiment le hasard. En fait, j'avais un copain en voyant sur Boos et il m'a contacté. Il m'a dit « Je ne veux pas faire du tandem, il y a un pilote ». Pour moi, c'était l'occasion, j'ai fait et ça très vite pris et vraiment sentir tout. Alors ça, c'était quand vos enfants étaient donc au collège. Et en internat après aussi. En internat, ah. Donc vous aviez environ 35 ans peut-être. Oui, c'est ça. 35 ans. C'est ça. Et c'est pas le tout, mais madame se permet de devenir championne de France de tandem en 96. Absolument. C'est-à-dire à 40 ans, hein, 39 ans, ouais. Ouais, ouais, 40 c'est ans ça. Pratiquement. Ouais, c'est ça. C'est dingue ça, c'est dingue. Et puis bah, le fait de pédaler, ça vous a donné un cœur absolument incroyable. Absolument. Puis vous vous êtes dit, bah, j'en ai marre que quelqu'un me conduise, que quelqu'un se mette à ma place pour me dire, bah, faut tourner à gauche, c'est à droite. Ça. Et c'est puis ça. C'est là qu'est venu. Alors, anecdote assez intéressante, comment oui. vous êtes passé à la course à pied ? Et c'est tout simplement parce qu'avec mon chien guide, j'allais me promener sur les quais de la Moselle et souvent j'entendais passer ces coureurs qui discutaient, qui rigolaient. Je me dis, ouais, c'est chouette de pouvoir courir. Et moi, c'était impossible. Et là, il y a un jeune homme qui dit, tu veux pas courir avec nous ? Comme ça, ton chien, tu le laisses un petit peu en liberté, il profite. Ça me semblait impossible. Et puis finalement, ça a très vite pris. On a fait un essai. J'ai fait 5 km, puis 10. Et 6 mois après, bah, je faisais déjà mon premier marathon. Alors, 6 mois après, le premier marathon. Alors, je rappelle qu'un marathon, c'est 42 km et 195 mètres. Oui. Hein, c'est oui, pas c'est rien ça. Quand même. C'est ça. Et donc. Bah, je me prends au jeu et puis ça continue. Ça le continue. Groupe est là. Alors, j'ai juste à voir déjà une petite info. C'est parce que quand on court, bon, vous courez sous le macadam, mais bah, vous ne voyez pas, donc vous avez besoin d'un guide. Bah, toujours. On est toujours guidé. Avec un lien au poignet, et il nous donne les infos qu'il faut. S'il y a un trou, ou s'il n'a pas le temps de donner l'info, il va carrément nous tirer, hein, droite à gauche, il nous presque pousser à un moment donné, si à la dernière minute, on risque de trébucher. Alors, on a la chance d'avoir un guide, hein, oui. Votre compagnon, Hubert, vous étiez guide pendant un certain temps pour Odile. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, j'ai guidé. Alors, moi, ce que j'ai vu, c'est que moi, je pensais que le guide, bah, c'était un peu comme la pétanque. La pétanque, on se parle pas beaucoup, on peut faire des gestes, etc. Et puis là, vous avez le cornon, donc j'avais vu des gestes, hein, vous montez le bras, etc., peu importe. Mais surtout, vous devez beaucoup parler. Eh bien, le guide, oui, effectivement, il parle beaucoup. D'abord pour indiquer la direction, pour indiquer le terrain. Et aussi pour décrire tout l'environnement, parce que ça fait aussi partie de la règle du jeu, je veux dire. Nous, on voit plein de choses, donc il faut communiquer et que le non-voyant se souvienne qu'il est passé, qu'il a vu une vallée, la mer au loin. Pour qu'elle ressente un peu son environnement. Et c'est là où vous utilisez aussi le système horaire. À 11h, t'as une racine. À 10h, t'as un caillou. Alors pour guider, on donne pas l'indication horaire. C'est plutôt pour la description de l'environnement, okay. À décrire. Pour guider, c'est plutôt bref et rapide. C'est monte, descend, gauche, droite. Lève. Alors donc, ça c'est la manière de travailler sur le bitume, puisque bon, les marathons, puis madame se cantonne pas à faire un petit marathon à Paris, vous en avez fait 7 de marathons à Paris. Là, je crois, ben, le 12 avril, j'ai fait, je crois, mon 14e à Paris. 14 Paris, parce que j'avais lu 7 Paris, ben, j'avais 14. Lu Tahiti, Shanghai, Jérusalem, oui, vous êtes un peu partout. Oui, alors il y a une chose qui m'a étonné, pourquoi pas le marathon de New York ? J'ai fait le marathon de New York pour bah mes ouais. 60 ans. La doc me l'a pas dit, bah bravo. Bah voilà. 60 ans. À mes 60 ans, c'était le marathon de New York. C'est pas pour moi, ça n'a pas été le plus beau parce que, comme beaucoup de déficients visuels, un bruit infernal, sans cesse et tout ça, ça perturbe énormément. Donc, il y a des marathons un peu plus calmes. Et mais bon, voilà, je l'ai fait, quoi. Exact. Et il semblerait que, bon, 42 km, ça ne vous suffit pas parce qu'après, vous décidez de faire d'autres paris. Et bon, vous avez déjà commencé un peu à courir, non plus sur le bitume, mais sur des sentiers un peu exotique, hein, oui. Pas très large, avec beaucoup de montées, de descentes, des ça. Roches, c'est oui, ça. Oui. Et là, le guide, eh ben, c'est plus à partir du C'est plus le cordon que vous Là, c'est beaucoup d'explications et c'est souvent mettre la main sur son sac à dos ou sur quelque chose qui va nous remettre un petit peu en arrière pour que je lui tape pas dans ses pieds. Forcément. Et puis, voilà. Et ça, c'est une autre technique, quoi, mais ça marche très bien. Après, voilà, on me dit, ouais, mais comment tu fais ? Mais non, j'ai toujours couru, quoi, très, très, très régulièrement. Alors, pourquoi pas courir dans le désert ? Parce que oui, vous avez fait... le désert. Quatre fois, vous avez fait le marathon des sables. Oui. Parlez-moi de ça. Alors déjà, le marathon des sables, j'ai juste expliqué en deux mots. C'est on court dans le sable, donc dans le Sahara, franchement. On dit en ce moment aux gens, ne courez pas parce que c'est la canicule. Hein. Je pense que dans le désert, au Sahara, c'est on bien oublie chaud. Un peu ça. Il fait très chaud. Donc c'est une course de 240 km sur 6 jours. C'est ça ? C'est ça. Alors, c'est pas 40 km par jour, c'est des balades de 20, 30 km, puis d'un coup, pouf, 90 km. C'est ça. Hein, c'est ça. C'est ça. Et avec un sac à dos que vous gardez tout au long, avec tout ce qu'il faut à manger, mais pas à boire, parce qu'à boire, on vous le donne dans les... On nous le donne. C'est la seule chose qu'on nous donne. Voilà. C'est parce que c'est une épreuve en toute autonomie et c'est itinérant. Donc, voilà, on a une épreuve à faire. Et bah, quand nos kilomètres sont faits, on se pose et on continue le lendemain. Non, c'est pas si simple que ça. Quand les kilomètres sont faits, on se pose, etc. C'est facile. Hein. Oui, c'est vachement facile. Non, bah déjà, il faut que le sac à dos, parce qu'il n'est pas léger, le sac à dos. Dedans, il y a le sac de couchage, on veut bien un tapis de sol d'abord pour pas courir, dormir, parce que le sable, bah, y a des cailloux, il y a des tas de petites choses en dessous, ça fait mal au dos. Il y a des petites bêtes aussi. Ouais. Donc après, chacun se débrouille avec ce qu'il veut comme confort. Moi, je prenais un petit oreiller parce qu'il y en a qui disent, bah, t'enlèves ton short et quoi, tu te fais un oreiller, mais non, c'est jamais bien. Donc voilà, on découvre tout ça. Et puis, il faut la petite gamelle pour chauffer de l'eau. Avec les pastilles qui vont bien pour chauffer l'eau, pour faire nos nouveaux plats qui sont déshydratés. Pour le marathon des sables, on pourrait faire une émission complète tellement ça a l'air d'être passionnant. Moi, ce que j'ai lu, une anecdote, et j'aimerais bien que vous me racontiez cette anecdote dans le désert. Vous courez, alors déjà, c'est pas facile, c'est pas plat, hein, c'est pas comme le bitume, le pied part à gauche, à droite, donc on risque à tout moment de se casser là une cheville. Et puis d'un seul coup, vous dites à votre guide, il y a des oiseaux autour de moi, racontez-moi ça. Ah oui, c'est vrai que mon premier marathon, je dis, mais Gérard, j'entends des oiseaux. Il dit, non là, c'était sur la longue distance, là t'es plus lucide. Bon, bah peut-être, j'ai dit, Et puis à un moment donné, je dis, mais Gérard, je te promets, j'entends des oiseaux. Et puis il me dit, bon, mais là, allez, il regarde, on s'arrête, il regarde. Et là, il dit, mais c'est pas possible, mais c'est vrai. Il y avait des petites brindilles au milieu du sable, sur un petit monticule, et il y avait un petit nid avec des œufs même. D'ailleurs, que j'ai cette photo chez moi, qu'il a pris en photo, et des tout petits oiseaux, noirs et blancs, et il me dit, mais jamais j'aurais vu ça si t'avais pas été là, quoi. À plusieurs reprises dans les précédentes émissions, je parlais de la plasticité du cerveau. Le cerveau s'adapte, il n'y a plus le cortex visuel qui fonctionne. Il fait un gros boulot pour les personnes qui sont voyantes. Il fait plus ce boulot-là, alors automatiquement, le cerveau ne fait pas en sorte que le cortex visuel ne bosse pas. Il va toujours le faire bosser, mais cette fois, on analyse plus les sons, on analyse le toucher, on analyse et des choses que les gens peuvent faire normalement, mais qu'ils ne feront pas parce qu'ils n'utilisent pas tous ces sens. Ouais, c'est franchement, c'est formidable. C'est ça. Et puis, comme vous êtes une personne qui n'aime pas s'arrêter là, un marathon, pourquoi pas, j'en ai fait un, j'en ai fait quatre, et puis après, vous dites, 42 km, ça ne me suffit pas. Après, vous dites, je vais essayer les 100 km, c'était en 2011, ça. Oui, 100 km, pourquoi pas, 100 km. Donc, le plus rapidement possible, évidemment, pas faire 100 km, non, ça Quand fait on pas. Me dit, mais tu mets une journée, mais non, non. T'essayes de faire moins, en général, c'est demi-journée, c'est 12 heures. Et si on arrive à faire... Rappelez-moi juste un petit détail. Le marathon, au meilleur de votre forme, vous le faisiez en combien de temps ? 3h44, parce que j'ai commencé tard aussi. Oui, bien sûr. 3h44, je me dis toujours, aujourd'hui, si je reviens, je sais où je vais trouver mon coach pour m'entraîner réellement, parce que j'ai toujours couru comme je pouvais, en fait. Alors, le temps passe vite et je voudrais quand même qu'on aborde aussi le fait que vous avez fait les 24 heures, pas du Mans, mais de tourner, de faire le plus de chemin possible en 24 heures. Vous avez commencé par 120 km en 120, 2000. Oui. Après ça a été 140, puis 160. Et à chaque fois, j'avais une concurrente, Nathalie Cuny, qui réussissait à Nice de faire toujours au-dessus. Ben, allez hop, on fait mieux. Puis j'ai fait, je sais déjà plus, 172 km et quelques. 190 km, je ne sais plus combien. Bref, mais voilà. Record du monde, madame. Et encore aujourd'hui, c'est mon record, il n'a pas été battu. Record du monde, mais c'est dingue. Mais voilà. Mais c'est quelque part pour moi, alors je vais dire, ouais, c'est facile parce que j'étais entourée, encadrée. C'est super. Rappelez-moi en quelle année vous avez fait ça ? Vous savez pas, moi je le sais. C'était en 1976. Je dis n'importe quoi. N'importe quoi. Non, 2016. Non, c'est 2016. Oui. 2016. Oui, et vous aviez pas loin de 60 ans. Bah oui. Ah oui. C'est ça. Ah oui. Exactement. Voilà. Bon, écoutez, on va. 29 ans, ouais. On va passer une nouvelle pause, un petit clip audio qui va parler de vous. C'est en fait un clip audio qui est un résumé d'un clip audio un peu plus long qui passera sur ma chaîne YouTube jeudi prochain. Imaginons une seconde qu'on est au volant, en pleine nuit, sur une petite route de montagne qu'on ne connaît pas du tout. Et là, d'un coup, le tableau de bord s'éteint, les phares lâchent. C'est ça, l'écran noir total. Et la réaction viscérale, enfin neurologique même, c'est la paralysie. On pile sur les freins. Ouais, parce que le cerveau consacre une énergie dingue à la vision. Quand ses sources d'informations coupent brutalement, on a l'impression que la réalité physique elle-même vient de s'évaporer. Le premier instinct, c'est vraiment l'immobilité. Sauf que pour Odile Hauchard, qui est le sujet de notre exploration d'aujourd'hui, freiner, c'était juste pas une option. Non, clairement pas. Elle est atteinte d'une rétinopathie sévère qui l'a plongée dans la cécité totale dès l'enfance. Et pourtant, elle a refusé cette immobilité. Notre mission, à travers ces documents, c'est de comprendre comment elle a redessiné les limites humaines, du tandem à l'ultra-endurance extrême. Et le point de départ de ce besoin viscéral de repousser ses limites, il est assez inattendu, en fait. Ça n'arrive pas dans sa jeunesse. Ah bon ? Non. Ça arrive beaucoup plus tard, au moment où ses enfants quittent la maison pour partir en pension. Le fameux syndrome du nid vide, tu vois. Ah oui, je suis fascinée par cette idée. Pour une personne non-voyante, les sons de la vie quotidienne, c'est vraiment ce qui construit l'architecture d'une maison. Les bruits de pas, les conversations, c'est ce qui donne du volume aux pièces. Absolument. Du coup, quand le silence s'installe, c'est comme si les murs s'effondraient. Ce vide devient un écrasement purement physique. Il fallait impérativement qu'elle se remette en mouvement pour fuir ça, quoi. Et pour reprendre conscience de son corps dans l'espace, elle choisit d'abord la puissance brute, le cyclisme en tandem. La dynamique est très spécifique, parce que le pilote voyant gère la trajectoire à l'avant, alors qu'à l'arrière... Elle est ce qu'on appelle la stalker, c'est ça ? C'est ça. Odile fournit une puissance de pédalage monumentale, sans jamais toucher ni au guidon, ni au frein. Elle devient même championne de France en 96. C'est l'équivalent d'être dans la salle des machines d'un immense navire. Le rythme cardiaque explose, on fait avancer le bateau, mais... On n'a aucune fenêtre sur l'océan. Faut une confiance aveugle envers le pilote, sans un mauvais jeu de mots. Exactement. Et cette salle des machines a forgé chez elle un moteur aérobie hors norme. Mais le vélo pose un problème fondamental. Les pneus glissent sur l'asphalte, ça isole le corps du terrain. Il lui manquait le contact avec la Terre, c'est ça ? Voilà. Pour combler ce besoin vital de sentir la Terre de manière plus rugueuse, elle rejoint l'association Emera et bifurque vers la course à pied. D'abord sur route, guidée par une petite cordelette, puis très vite sur les sentiers. Attends, courir à l'aveugle sur des chemins, parsemés de racines et de roches, physiologiquement, ça me paraît relever de la science-fiction. La cordelette suffit pas pour ça. Non, ça suffit plus. Tout repose sur un guidage vocal continu, une sorte d'horloge directionnelle. Le guide modélise le relief avec sa voix, genre racine à 10 heures. La charge mentale pour décoder ce flux de données en plein effort, ça doit être épuisant. Et c'est avec cette méthode qu'elle s'attaque au monstre absolu, le fameux marathon des sables. 240 km dans le Sahara, en autosuffisance. C'est fou. Elle est d'ailleurs la première femme non-voyante à le terminer, et à 3 reprises en plus. Et c'est justement dans ce désert qu'on observe un véritable prodige de la neuroplasticité. Ouais, l'anecdote du désert dans les documents est incroyable. En plein Sahara, elle s'arrête net parce qu'elle entend des oiseaux chanter. Et son guide, Gérard Delavaux, qui est épuisé, scrute ce sable mort et pense vraiment qu'elle a une hallucination. Mais en cherchant bien, il finit par repérer de minuscules oiseaux totalement camouflés. Donc la personne malvoyante sort le guide de sa propre vision en tunnel. Le cerveau recycle carrément l'énergie du cortex visuel pour surdévelopper lui. C'est tout à fait ça. Privé de lumière, le cortex visuel est piraté par les nerfs auditifs. Et son insatiabilité s'arrête pas là. Une fois les distances classiques maîtrisées, elle cherche l'épreuve reine du mental, le format horaire sur boucle fermée, les fameux 24 heures. Où elle établit son record absolu en 2016 à Champigneulles, à plus de 60 ans, 172 km. C'est plus de 4 marathons d'affilée. C'est stratosphérique. D'autant que récemment, à 67 ans, elle refait du tandem sous la pluie pour porter la flamme paralympique, tout en maintenant un rythme de... 15 000 km de vélo et 2 000 de courses par an. Ouais, elle ne s'arrête jamais. Mais il y a un truc qui me perturbe avec ces courses de 24 heures. Courir en rond sans le repère visuel du paysage qui défile pour tromper l'ennui, l'enfermement mental doit être terrifiant, non ? Mais le temps et le paysage passent par d'autres canaux, en fait. La baisse infime de la température, la rosée sur la peau, la fatigue dans la voix du guide. L'écoulement du temps devient purement tactile et auditif. Ça prouve vraiment que la perte d'un sens, c'est pas une simple soustraction ou une pièce sans fenêtre. C'est la disparition des murs. Le cerveau est obligé de cartographier le monde de façon beaucoup plus vaste. Ce qui soulève une vraie question pour finir. Si le cerveau humain est capable de se recâbler à ce point pour entendre la vie au milieu d'un désert mort, quelles capacités sensorielles inouïes on laisse s'atrophier aujourd'hui juste parce qu'on délègue toute notre attention à nos seuls yeux et à nos écrans ? Voilà, on parle des sens, on parle des capacités sensorielles. Moi, je reviens tout à l'heure, on parlait des 24 heures. Odile, vous tournez pendant 24 heures et votre record, vous l'avez fait à Champigneulles. Et moi, je me dis, en 24 heures, qu'est-ce qu'on fait dans sa tête ? Alors, comme j'ai dit, c'est assez facile parce que... bien sûr, j'avais des personnes de mon club qui m'accompagnaient et qui se relayaient. Alors, à chacun, toutes les heures ou toutes les heures et demie la nuit, donc elles ont chaque fois quelque chose d'autre à dire. Et on papote tout le temps. Donc, on parle beaucoup. Ouais. On parle beaucoup, ouais. En me guidant. Alors, bien sûr, c'est un circuit de 2 km et le chrono à tous les 2 km et voilà. Mmh. Et on parle beaucoup et puis tout simplement. Bon, après, on s'arrête pour boire, pour manger. Je refusais de m'asseoir parce que quand on se relève, les articulations ne sont pas d'accord. Et voilà, on y arrive. Après, je cours aussi toujours pour une raison. Ma cousine était très malade à ce moment-là. Elle souffrait d'un cancer et j'ai dit, elle aurait tellement aimé être là ou m'accompagner. Donc j'ai dit, allez, je cours pour elle et dans un moment de souffrance, on vous souffre aussi pour les autres. Vous-même aussi avez connu ce... Oui. La maladie, vous avez connu ça J'ai connu ça, oui, j'ai connu un cancer et c'est vrai que ça m'a aidé de pouvoir faire du sport malgré tout avec beaucoup de précautions, moins vite, un peu moins évidemment, mais ça m'a permis de rester dans le monde réel, dans la société. Et c'est très important. C'est très important. Alors cette pêche, ce punch, vous allez bien le transmettre aux enfants, vous allez dans les écoles, vous allez leur parler. Je vais beaucoup dans les écoles et c'est passionnant. Bon, c'est fatigant parce que quand on enchaîne plusieurs séances, mais j'adore parce que les enfants... Alors, souvent on me dit, mais vous arrivez à capter les enfants. Je les ai jamais vus aussi silencieux, aussi calmes, parce que je vais... parler d'une journée avec moi, tout ce que ça peut emmener comme ça va de l'écriture à la canne blanche, au chien guide, à des tas de choses. Est-ce que je peux retirer de l'argent avec ma carte bancaire? Est-ce que le chef des chiffres, c'est le 5 parce qu'il y a un point. Mais les élèves, ils écoutent, et même d'ailleurs les professeurs ou les instituteurs, quoi. Et j'aime beaucoup, entre guillemets, enseigner ça, voilà. Il reste toujours quelque chose. C'est dingue. En fait, c'est un peu bouclé. Vous aviez connu une enfance où vous étiez un peu le petit canard noir. Et puis là, au contraire, vous avez des enfants qui sont très ouverts à l'handicap. Ça montre bien aussi que on parle plus de l'handicap de la même manière. On parle plus de d'enfants de la même manière. Absolument. Parce que bon, après, je dis, vous voyez comment je suis, mais attention, je ne vois pas. Et tous les non-voyants sont pas de la même constitution. Parce que comme je parlais de mon frère, lui, il a pas eu ce déclic et il vit renfermé chez lui. Toujours ? Ah oui. Oui, il sort pas. Il a peur, en fait. Je crois que c'est au départ, il a eu peur du regard des autres, de se déplacer. Et voilà, il reste dans son village. L'acceptation, L'acceptation. C'était le sujet de ma précédente émission où j'avais parlé de Claire Basse-Vision. Peut-être d'ailleurs que votre frère pourrait prendre contact avec Claire Basse-Vision, qui l'aiderait sans doute. Hein. Même pas. Non. Impossible. Non, impossible. Ouais. Ouais, des fois. Bon, c'est pas. Ok. Après, moi, je voudrais aussi avoir votre sentiment par rapport à handisport, parce que, bon, au tout début, on parlait des femmes, la place des femmes dans le sport, déjà, c'est pas ça, quoique maintenant, on en parle beaucoup plus avec les sports collectifs, handball, football, etc. Mais la femme handicapée... Malheureusement. Alors, moi, je suis revenue un petit peu des Jeux paralympiques en France, qui étaient magnifiques, on a parlé beaucoup, qui étaient retransmis. Sachant que vous étiez sélectionnée, me semble-t-il. Pour le marathon pour tous. Oui. Mais puis pour les Jeux, non, je suis trop âgée. Oh bah là, maintenant, oui, mais avant, vous auriez été... Oui, tout à fait, j'étais pour Atlanta, ouais. Voilà. Mais j'ai pas pu y aller, donc j'ai laissé ma place à une autre personne non-voyante. Mm-hmm. Mais les femmes, l'handisport, évidemment, ça, on en a beaucoup, beaucoup parlé, mais c'est encore très compliqué. Et ce que je peux comprendre, hein, parce qu'on est trop dispersés, il manque de transport. C'est difficile de créer vraiment un noyau pour que tout le monde puisse venir faire son sport. Hein. Moi, je suis la seule dans mon club en tant que non-voyante. Je comprends tout à fait, ça a été compliqué hein, de s'intégrer. Et c'est toujours compliqué. Pour n'importe quel sport d'ailleurs. Et puis en plus d'être une femme, souvent, par exemple, dans mon club de course à pied, il y a beaucoup d'hommes. Il n'y a jamais eu un homme qui s'est proposé pour me guider. Au départ, ça a toujours été mon entraîneur qui disait « Allez, je te guide ». Et petit à petit, c'est les filles, les copines qui se sont « Allez, je vais essayer ». Et puis si elle dit « Ah ouais, c'est chouette », ouais. Ouais, c'est incroyable. Voilà, c'est du chemin quand même à faire et... Ça se fait petit à petit, mais il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau handisport. Beaucoup. Alors, on va bientôt conclure. Et moi, je voudrais d'abord quand même aborder un sujet hyper important. Moi, je suis en retraite. Hein. J'ai 67 ans. Oui. Vous en avez 69. Oui. Et quel est votre objectif maintenant? Moi, c'est toujours de courir, de pédaler. Voilà. Alors ouais. Là, je reviens de 2 semaines de vélo. Je crois que j'ai fait 800 km en une douzaine de jours. Et je cours. Et donc, j'ai dit que le mois dernier, j'ai fait le marathon de Paris. C'était mon 66e marathon. Vu que j'ai ralenti à un moment donné par rapport à ma maladie. Donc, il me reste 4 marathons à faire pour l'année prochaine. 70 marathons pour mes 70 ans. Voilà, ça, c'est mon premier défi. Est-ce que vous avez une idée sur quel marathon vous ferez pour le 70e? Ah, alors, déjà là, cette année, il me reste Colmar, où je suis déjà inscrite, c'est le 20 septembre. Puis ce sera Nevers le 22 novembre. Et donc, ça fera 68. Il m'en restera 2 pour l'an prochain. Je n'ai pas décidé encore du marathon, vraiment. Alors, mon compagnon me disait, je t'offre Tahiti pour refaire un marathon de Tahiti pour ton 70e. Mais c'est fin mars. Alors, il faudrait que j'en fasse encore un entre-temps. Et ça me paraît peut-être Marrakech au mois de janvier pour pouvoir faire Tahiti pour mon 70e. Ce que je vous propose quand même, c'est qu'on reparle de vous sur Fagette pour le 70e marathon. Bon, je ne pense pas que Fagette me dirait va à Tahiti pour voir ce qu'elle fait là-haut. Ça m'étonnerait fort. Bon, on verra aussi suivant le carburant et les prix. Hein. Peut-être ce sera beaucoup plus modeste. Ce sera en France. En tout cas, il est important que vous me donniez un peu votre prochain. Vous m'expliquez tout. Que j'ai envie de reparler. Bon, je reprends une émission complète, mais en tout cas, bien annoncer que vous avez fait vos 70e marathon. Si mon corps veut bien. Ah bah le cœur, ma tête elle veut. Ma tête elle veut, mes jambes pour l'instant aussi. Mais bon, on est à l'abri de rien. Mais voilà, c'est mon défi et puis c'est ce qui fait avancer. Hein. Il faut toujours avoir une motivation, il faut avoir un défi. Sinon, on s'arrête, on fait plus rien. Et non, j'ai horreur de ça. Alors pour conclure, qu'est-ce que vous diriez à des personnes qui vous écoutent, qui ont plus de 60 ans, hein, un vieux comme moi qui en a 67 hein. Rester isolé. Alors, je sais que c'est très compliqué, mais simplement sortir, aller sur une petite marche ou aller visiter lorsqu'il y a une petite manifestation. Aller, par exemple, il y a 15 jours, on a été visiter le centre Pompidou à Metz parce que c'était proposé. Alors, peut-être on dit « Wow, ça ne m'intéresse pas ». Et puis finalement, la visite était guidée, mais c'était super. Et voilà, c'est de rester un peu aussi dans le mouvement. Là maintenant, bon, moi je suis thionvilloise, comme j'ai dit, il y a les constellations qui vont ouvrir au mois début juillet à Metz. Il y a des souffleurs d'images. À chaque constellation, il y a quelqu'un qui vous explique ce qui se passe devant. Mais il faut y aller, quoi. Là, il faut y aller. C'est sur ces belles paroles optimistes que nous allons conclure l'émission. Comme je le disais en introduction, c'est la dernière émission de la saison. En juillet-août, ça sera des rediffs. Et puis, on se retrouvera en septembre. En attendant, moi, je vous souhaite de très très bonnes vacances. Vous pourrez réécouter cette émission sur Fagette ou sur ma chaîne YouTube. Et je vous rappelle que jeudi, je diffuse le clip audio complet de la carrière de Odile. En attendant, je vous dis passez de bonnes vacances, portez-vous bien, salut !